Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui sur la fête de Noël dans la tradition liturgique byzantine, en compagnie d'André Loski, professeur de théologie liturgique à l'Institut Saint-Serge. André Loski, il y a 15 jours, nous avons déjà évoqué toute cette préparation de la fête qui est proposée à travers les textes liturgiques, et nous avons vu plusieurs côtés, si vous voulez. Évidemment, c'est tellement riche, on ne peut pas tout voir, parce qu'il faudrait plusieurs années et il faut des lectures qui n'en finissent plus. Vous nous aviez conseillé également des lectures patristiques, notamment Saint Grégoire le théologien, et évidemment, il y a toujours les lectures scripturaires. Nous sommes aujourd'hui à la veille de la fête, que les orthodoxes fêtent pour une partie demain et pour ceux qui suivent le calendrier julien dans 13 jours, c'est-à-dire le 7 janvier. Si vous voulez bien, aujourd'hui, nous allons évoquer une facette extrêmement importante de cette fête qui, je crois, touche tout le monde, qui est celle de la dimension cosmique de l'événement, un événement qui concerne l'ensemble de la création. Je crois qu'il faut pour cela partir de l'évangile, des récits évangéliques, que je ne reprends pas parce qu'à partir d'un calendrier liturgique et d'un évangile, on peut chacun pour nous les retrouver. La dernière fois, nous avons parlé de la préparation à la célébration par des lectures, et je pense que la première lecture à faire, je n'y ai peut-être pas assez insisté, ce sont les récits de l'évangile. Et dans les récits de l'évangile, en particulier chez Saint Luc, on voit nettement que, alors si je prends d'un côté humain, d'un côté, il y a une femme enceinte qui s'arrête, prête à enfanter, et ne trouvant pas d'autre place, elle va dans une grotte. Et ils ont trouvé de la place là où ils ont pu, dans une mangeoire. C'est ce que raconte l'évangile. Et d'un autre côté, il y a des bergers qui veillent dans les champs. Et tout d'un coup, des anges viennent leur dire, grosso modo, allez voir là-bas, il se passe quelque chose. Et bon, dit très très vulgairement, c'est une sorte d'actualisation un peu primaire de l'évangile. Mais plus sérieusement, comme je l'ai déjà dit, rien extérieurement ne pouvait laisser croire que sous les traits de ce nourrisson, c'est le Dieu de toute éternité, le Dieu devenu homme. Sauf que à l'ange qui est venu annoncer les bergers, nous dit le texte de l'évangile, vient se joindre une multitude qui chante, je cite, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre, bienveillance parmi les hommes. » Les cieux, la terre, le plus haut, ce sont les anges et les hommes, tout le monde est réuni. Donc là, voilà une expression de la dimension cosmique, très fortement reprise par les hymnes. Excusez-moi de vous couper un instant, c'est pour rappeler que ce texte que vous venez d'évoquer est un texte que nous lisons tous les jours dans l'office des matines, dans ce qu'on appelle la doxologie. Ça peut être une grande doxologie ou alors une simple lecture, mais c'est un texte qui revient donc très souvent dans l'année liturgique et qui se rapporte à l'événement de la nativité. C'est le chant des anges. Oui, effectivement, il est tiré donc de l'évangile de Saint Luc, chapitre 2, verset 14 précisément, et tous les matins aux matines, il est lu, effectivement. On peut dire que c'est pour souligner le fait que la louange quotidienne de l'assemblée liturgique, même si elle est peu nombreuse, s'associe à la louange des anges. Le fait que des êtres humains puissent prononcer ces mots rapportés par l'évangile, gloire à Dieu au plus haut des cieux et la suite, nous associe en quelque sorte aux anges. Et les anges donc annoncent la nouvelle aux bergers, je reviens à l'événement de la nativité, et de la même façon, pendant ce temps-là, une certaine étoile, observée par des spécialistes qui étaient les astrologues de l'époque, et les Mésopotamiens étaient les plus grands astrologues de l'époque, ont été surpris par une étoile qui avait un cours anormal. Et en plus, là il y a des commentaires patristiques, les pères de l'Église ne sont pas tous des astronomes, mais tout de même c'est un peu curieux, une étoile qui se déplace et puis qui à un moment donné s'arrête. Et le texte de l'évangile nous dit qu'elle s'est arrêtée au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Et donc la Providence, en quelque sorte, utilise des moyens différents, cosmiques, les anges pour les bergers, l'étoile pour les mages, et on pourrait extrapoler à partir de ces deux exemples, finalement assez simples et assez universels, que Dieu utilise avec chacune et chacun d'entre nous des moyens différents pour se manifester à nous. Je ne peux pas dire lesquels, mais les deux exemples que nous avons là sont effectivement deux expressions particulières. Hein, ce sont deux expressions particulières de la manifestation de Dieu qui est toujours en quelque sorte adaptée à chacun. Alors l'événement cosmique est aussi représenté par la grotte. Sur les icônes, elle est représentée d'une manière sombre, c'est-à-dire que le Christ vient au plus profond de notre misère, on peut dire, et dans la plus grande pauvreté, puisque j'ai dit qu'il était dans une étable. Ceci est repris notamment dans une hymne qui détaille les différents éléments de la création. Donc, les cieux ont offert l'étoile, la terre a offert la grotte, l'humanité a offert la Vierge, les anges ont offert leur louange, et ainsi chaque élément de la création, à sa manière, participe à la célébration de la nativité du Christ. Également, il faut insister sur cette union entre ciel et terre, union réalisée par le Christ qui, de Dieu qu'il n'a jamais cessé d'être, devient Dieu et homme à la fois. On l'appelle d'ailleurs le Dieu-homme, et cette louange des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux, est répété sans cesse dans un grand nombre d'hymnes que je ne vais pas citer pour ne pas vous fatiguer, mais toute personne qui écoute l'office de Noël, ne serait-ce que quelques minutes, à un moment ou à un autre, entendra cette louange mise par les hymnes dans la bouche des anges et reprise par les humains, reprise par la chorale et par l'assemblée liturgique. C'est donc la dimension cosmique de l'événement, et comme vous avez dit, cette hymne absolument merveilleuse où on voit que tous les éléments apportent quelque chose. Et l'homme, en fait, l'humanité, cette mère vierge, rappelle cette participation de tous. Il y a un autre sujet, un autre thème, si vous voulez, de cette fête qui, je crois, intéresse tout le monde, émeut tout le monde, et je crois qui dépasse le cadre pur du christianisme, même si nous sommes ici en train d'analyser la fête selon la tradition byzantine en particulier, est celui de la paix. On a toujours lié la fête de Noël et le message de Noël à un message de paix. Nous le voyons. Et vous allez, je pense, nous indiquer pourquoi ce message de paix est rapporté à Noël et de quelle manière l'est-il d'ailleurs, puisque les textes expliquent cette relation. Oui, alors là, il y a plusieurs composantes textuelles, effectivement. Il faut d'abord rappeler ce que nous disions déjà tout à l'heure, c'est que cette paix sur la terre est annoncée d'abord par les anges. C'est-à-dire que ce n'est pas par des efforts humains seulement que nous allons cesser tout combat extérieur. Il faudrait parler du thème ascétique du combat invisible, mais je pense que vous allez inviter d'autres spécialistes qui en parleront beaucoup mieux que moi. J'y fais simplement allusion. Donc la véritable guerre doit commencer par une guerre contre soi-même pour avoir la paix. Mais là, c'est une paix, si j'ose dire, d'ordre surnaturel. C'est-à-dire qu'elle est annoncée et proclamée par les anges. C'est la paix que donne le Christ. Mais là, il y a aussi un facteur de temps qu'il faut peut-être un petit peu analyser. Et pour cela, il faut repartir non seulement des récits évangéliques, mais du Nouveau Testament. Il y a d'autres passages, notamment le passage de l'Épître aux Galates, qui est choisi pour être lu au moment de la divine liturgie, le jour même de la fête, et qui commence par les mots, c'est Galates chapitre 4, verset 4, « Lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils unique », et la suite. Et cette plénitude des temps mérite un certain commentaire, parce que certains pères de l'Église, c'est notamment le cas de Saint Grégoire de Nice, qui situe l'événement de la nativité, pas n'importe quand dans l'année liturgique, et pas n'importe quand non plus dans le temps. Pour ce qui est du jour, alors, conventionnellement le 25 décembre, parce que à l'époque au 4e siècle, on pensait que le 25 décembre était le jour du solstice. Et Saint Grégoire de Nice, dans son sermon sur la nativité, que j'avais recommandé la dernière fois dans la bibliographie, nous dit, je cite, « En ce jour, les ténèbres commencent à diminuer, et les confins de la nuit reculent, refoulés par les rayons grandissants. Ce n'est point simple hasard, mes frères, si le solstice survient au jour solennel où la vie divine se manifeste aux hommes. » Quel mystère la création n'enseigne-t-elle pas ici aux esprits un peu attentifs? On dirait qu'elle élève la voix, la création, et qu'elle apprend à ceux qui sont capables de l'entendre ce que signifie la croissance du jour et le recul de la nuit au temps où vient le Seigneur. » Fin de citation. L'objectif pour Saint Grégoire de Nice est de montrer que la venue du Christ dans l'année survient au moment, enfin nous choisissons de la célébrer au moment où les jours recommencent à augmenter. Et de la même façon, nous dit Saint Grégoire de Nyse dans un autre passage que je résume maintenant, de la même façon que les jours recommencent à augmenter et la nuit donc à diminuer, de la même façon, c'est le Christ, véritable lumière, celui que le Trois-Pères Apolitikion, que je crois nous allons bientôt entendre, appelle le soleil de justice, reprenant une expression du prophète Malachi, qui a souvent été interprété d'une manière christologique par les pères de l'Église, eh bien, de la même façon, c'est le soleil, le véritable soleil qu'est le Christ qui est vainqueur, et les péchés, telle la nuit où le péché commence à diminuer. Mais cette plénitude des temps, mentionnée par saint Paul, n'est pas commentée uniquement par rapport à l'année, parce que les années se répètent, et toutes les années on a des hivers et des étés et des saisons. Mais il y a aussi, on parle aussi d'une maturité par rapport à l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que saint Grégoire de Nyse nous explique, alors je cite à nouveau, « Peut-être même, me semble-t-il, expliquerait-on assez bien que le Seigneur ne soit pas venu dès l'origine, mais qu'il n'ait daigné manifester sa divinité que dans les derniers temps, puisqu'il devait se mêler à la vie humaine pour purifier l'humanité de son péché. » Il lui fallait attendre que le mal se fût bien enraciné et que l'ennemi l'eût partout répandu. Alors, comme le dit l'Évangile, il a porté la cognée à la racine des arbres. Et un autre passage qui dit « De la même façon, le médecin de nos âmes souffrantes attendait que la maladie du péché qui avait terrassé la nature humaine se fût entièrement étalée, afin que nul vice ne pût échapper à ses soins. » Autrement dit, je fais un commentaire de ces passages par rapport à la plénitude. Il était convenable pour le Seigneur d'attendre pour s'incarner que le mal se manifeste d'une manière un petit peu plus claire, un petit peu plus exprimée. Il attendait que la maladie du péché prenne son essor, prenne son apogée. Et je cite un autre passage de saint Grégoire, « Quand tout avait sombré dans le péché, quand l'iniquité pullulait, quand les ténèbres du vice s'étaient étendues jusqu'à leur limite dernière, alors survint la grâce, c'est-à-dire l'incarnation, alors se leva le rayon de la vraie lumière, alors brilla le soleil de justice sur les hommes enfoncés dans l'obscurité et l'ombre de la mort, alors Dieu brisa d'un coup de pied les 1000 têtes du dragon, les jeta au sol et les piétina. » Ainsi, on peut dire, d'après saint Grégoire, que Dieu a attendu que le mal se développe le plus complètement pour pouvoir le frapper à son apogée, mais pour pouvoir le frapper d'une manière plus décisive. Et je voudrais continuer, non pas à citer, mais à commenter simplement cette homélie de saint Grégoire de Nyse, parce que il pose une question qui n'est peut-être pas seulement oratoire, que puisque le mal a été frappé là où il a atteint son apogée, comment se fait-il que le mal continue ? Eh bien, saint Grégoire compare le mal à un dragon dont le Christ vainqueur a frappé la tête, et il interprète la continuation du mal comme quelques soubresauts encore qui continuent à agiter le corps du dragon, comme nous dit-il lorsqu'on tue un serpent. Saint Grégoire de Nyse a beaucoup d'images empruntées à la zoologie qui sont très très parlantes. Et je voudrais terminer toujours avec cette notion de plénitude sur une hymne liturgique qui montre que c'est toujours autour de la plénitude des temps. Dieu a choisi, non fortuitement, de venir s'incarner à un moment où historiquement régnait une grande paix. On pourrait insister encore sur le recensement de la population qui a eu lieu. Et donc Dieu, historiquement, est venu sous le règne d'Auguste, l'empereur Auguste, et c'était une époque particulièrement faste et particulièrement harmonieuse pour l'Empire romain. Je cite dans ce sens une hymne que nous chantons aux Vêpres. « Auguste, régnant seul sur le monde habité, fit cesser la multitude des pouvoirs temporels. Et ton incarnation, ô Seigneur de la Vierge Immaculée, fit cesser la multitude des faux dieux. » J'interromps cette citation. Ainsi, de la même façon qu'il y a un empereur humain qui règne sur un grand nombre de populations, parce que l'Empire romain était exceptionnellement unifié à l'époque, ça n'a pas duré ensuite. Donc ce règne, nous dit le texte, fit cesser la multitude des pouvoirs. De la même façon, le règne unique du Christ fait cesser les illusions des faux dieux. D'autres textes liturgiques nous disent « la magie des idoles a pris fin ». Et de même, alors je paraphrase l'hymne maintenant, de même que toutes les cités ont été soumises, tout le monde habité de l'époque, ou ce que l'on pensait être le monde habité, était soumis à un seul empereur Auguste, de la même façon, il est proposé à tous les êtres humains de croire en un seul Dieu, lequel Dieu s'est rendu visible par l'incarnation. André Loski, merci beaucoup. Voilà donc pourquoi la paix est liée à la fête de Noël. Les textes nous le disent, il y avait une période de grande paix qui régnait sur l'Empire romain, c'est-à-dire l'Écuménée à l'époque, l'ensemble de la terre habitée. Et cet événement donc historique a été transfiguré et a été interprété de manière profondément théologique. Nous allons terminer cette première partie de l'émission avec notre père de la fête, la Politikion, que nous allons écouter ici, chanté par le chœur Saint-Jean Damasène, dirigé par Serge Sauré. C'est donc en français et dans une tradition musicale russe. Et je vous propose le texte de la Politikion avant de l'écouter. Je ne suis pas certain que la traduction sera la même, mais par convention, je prends la traduction la plus usitée de Denis Guillaume, que je transforme légèrement. Ta nativité au Christ notre Dieu a fait resplendir sur le monde la lumière de la véritable connaissance. À sa clarté, les savants qui adoraient les astres, d'un astre ont appris à t'adorer, toi le soleil de justice, et à te connaître, Orient venu d'en haut, Seigneur, gloire à toi. Et c'est précédé des versets comme il est chanté en Église. Ton quatre, le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Confessez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Le Seigneur est Dieu, et il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toutes les nations m'ont entouré, mais par le nom du Seigneur je les ai repoussés. Écoutons maintenant le message de Noël du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Frères, fils et filles, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de mes frères les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse le message de joie à l'occasion du grand événement de la naissance de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous rend cette année encore digne de célébrer la nativité du Christ dans la joie de l'esprit et l'allégresse de l'âme. Il s'agit de l'événement salutaire que l'humanité attendait depuis des siècles dans la nostalgie et l'espérance. L'hymne « Le Christ est né, rendez-lui gloire » se fait entendre. C'est à l'adresse de tous les hommes de toutes les époques le rappel de l'avènement du Verbe de Dieu sur terre, la réalisation du grand mystère de l'incarnation. Né de la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, il a revêtu notre nature humaine pour l'assumer et la sauver. Le Maître a pris même forme que ses serviteurs, afin que ceux-ci reprennent même forme que Dieu, écrit saint Amphilocle d'Iconium. Il a vécu en Fils de l'homme, afin de nous rendre, nous tous, fils de Dieu, afin de nous doter en abondance de la paternité de Dieu. C'est ainsi que la naissance du Christ met en lumière la dignité ontologique de la personne humaine. Quand le Verbe de Dieu est venu sur terre, il n'a pas pris la forme d'un ange. Son propos n'était pas en effet de sauver les anges déchus, mais l'homme, lequel est à son image. De toute la création, l'homme est la créature la plus apparentée à Dieu. Et quand l'homme est tombé dans le péché, le Fils de Dieu s'est fait homme afin de les sauver. Il n'existe nul événement qui soit plus important que l'incarnation de Dieu en l'homme. L'apôtre Paul écrit à ce sujet que le Christ est le premier-né parmi un grand nombre de frères. Romains 8, 29. De fait, le Christ est dès par sa naissance devenu le commencement de l'adoption des hommes, c'est-à-dire, selon saint Cyrille d'Alexandrie, le commencement de l'adoption des hommes par Dieu. Il a ouvert la voie qui conduit les hommes à devenir fils de Dieu selon la grâce. En vérité, l'homme constitue le centre de la création de Dieu. Les êtres inanimés, les êtres animés, les anges eux-mêmes ont été créés afin de permettre le salut de l'homme. Même après sa chute, l'homme demeure le centre de l'intérêt de Dieu. Même dans son état mortel, l'homme est maître de toute la terre à l'image du Créateur. Tout ce qui précède appelle une grande joie, mais aussi constitue pour nous tous un vrai défi. Joie, puisque nous autres les hommes, nous jouissons d'un grand honneur, d'une grande dignité, d'un grand plein. Sur nous-mêmes se trouve tracée l'image de Dieu. La preuve en est l'incarnation du Seigneur. Mais cela aussi constitue pour nous un grand et vrai défi, celui d'assumer notre véritable nature humaine pour la mettre en relation avec Dieu et la tourner vers lui. Alors que, en effet, nous avons été créés sous des traits d'une telle noblesse, d'une telle grandeur, il nous arrive parfois de ne pas estimer notre ascendance à sa juste valeur. Nous ne prenons pas aujourd'hui encore suffisamment conscience du véritable caractère sacré de la personne humaine. Nous persistons toujours, même après notre baptême, à porter certaines tâches du péché. Notre cœur se fait parfois le nid des passions. Notre esprit est parfois imprégné de méchanceté. Notre corps s'est fait parfois le refuge des tas de péchés. Le vrai défi pour nous consiste à assumer le Christ et à l'accepter comme notre frère, le premier et l'unique. En faisant cela, nous réalisons aussi une véritable dimension de notre existence tournée vers Dieu, à savoir le sacrement du frère, de notre frère, ici et maintenant, quel qu'il soit, et quelle que soit sa condition, qu'ils soient riches ou pauvres, en bonne ou mauvaise santé, faibles ou puissants. La nativité du Christ nous rappelle que c'est au sein de l'Église, et tout particulièrement dans les saints mystères de la divine Eucharistie, que nous ressentons l'immense amour de Dieu à l'égard de l'homme. Nous en retirons la force de dépasser en nous les pécheurs et l'état des péchés, de se retourner vers Dieu et de devenir ainsi en vérité des hommes. Au nom de mes frères les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je prie pour que la grâce de Dieu le Verbe, qui a revêtu la chair, accompagne chacun d'entre vous personnellement et qu'il bénisse vos familles. Que la nouvelle année 2007 qui approche soit une année de paix, de santé et de moisson spirituelle pour tous. C'était Noël avec André Loski et le métropolite Emmanuel. Notre prochaine émission, dimanche 7 janvier, ce sera sur la réédition du livre de Vladimir Loski « À l'image et à la ressemblance de Dieu ». Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargé de réalisation, Sylvie Migaud. Technique, Philippe Carminati, Pierre Migne, François Rivalan. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.